bienvenue sur Radio Gamozo. Il est 10h, vous êtes en direct des Oreilles du Monde, l'émission proposée par les mondes d'Utopie. Nous sommes le jeudi 9 juillet, nous sommes en direct de Radio Gamozo dans l'émission Les Oreilles du Monde, proposée par les mondes de l'Utopie. Aujourd'hui avec Flo et Camille. Bonjour à tous. Salut Nanou, salut tout le monde. Les joies du direct. Les joies du direct quand on n'est pas très réveillé, ça arrive. Aujourd'hui au programme de cette émission, nous allons commencer par parler des guinguettes d'été, des trois événements proposés par l'émission, par l'association Les Mondes de l'Utopie. Ensuite, nous passerons à une découverte de Muriel Dyer, l'artiste qui jouera le 24 juillet à la première guinguette. Ensuite, il y aura une interview de La Pêche et une découverte de KPG, le troisième groupe. Parfait. Voilà. Comment vous allez, Camille, Flo ? Bah impeccable, hein, super bien, avec le soleil, et tout va bien, quoi. Vous êtes prêts pour ce beau programme ? Ouais, on est prêts. Camille, fin chaud. On commence avec les guinguettes, par une description des guinguettes ? Ouais. Alors, donc on va commencer ces soirées d'été, donc le 24 juillet. Alors, c'est un vendredi. Donc, on avait choisi de faire une formule guinguette avec marché nocturne, donc pour cette première soirée d'été. Alors, ça commencera vers les 16h. Et donc, voilà, il y aura des artisans, des producteurs, des associations. Et puis, il y aura de la restauration, comme d'habitude. Hein, donc, évidemment, avec les directives sanitaires obligatoires, quoi. Et puis un concert. Alors, pour les artisans qu'on aura le plaisir d'accueillir là, le 24 juillet, on aura Autour du Bois, donc, qui est un artisan tourneur sur bois de Gérardmer. Donc, il propose des assiettes, des plats, des bols, enfin plein de petites choses très chouettes. On aura Jeanne, alors c'est les trucs de coco. Comment ça s'appelle ? C'est des Coco Jeannette, les produits... Allez, Coco Jeannette, on avait dit Coco Jeannette, mais je ne sais plus si c'est exactement ce nom-là. Enfin bon, bref, mais du coup, Jeanne, elle va proposer des savons, des shampoings artisanaux, des baumes, des eaux florales aussi. On aura des tournatures, donc, qui sont aussi des artisans Rochna. Eux proposent des compositions florales, ils sont artisans, donc ils ont aussi une boutique là, à l'atelier bio à Saint-Amé. Donc ils seront là aussi avec nous. On aura Philippe Céramique, qui est aussi un artisan Rochna. Donc lui, il propose tout un tas de belles créations en céramique. Alors lui, il fait plutôt dans l'artistique. Après, il a quelques créations qui sont plus dans l'utilitaire. Mais c'est vraiment très beau ce qu'il fait. Et puis on aura aussi Marie-Claude, donc une amie qui a écrit un livre. Alors c'est un roman. Bon, alors moi je suis pas très roman, mais j'avoue que je l'ai lu d'une traite. C'est c'est l'histoire d'une mère de famille, et puis après il y a quand même toute une démarche écologique derrière. Enfin voilà, le message est plutôt beau. Donc elle viendra aussi proposer son livre, et puis il y aura. C'est une écrivaine rochenette, Marie-Claude ? Non, elle habite à Saint-Étienne là. Ok, super. Ouais, c'était une amie d'enfance. Et elle sera là pour dédicacer ses livres ? Oh bah je pense, ouais, qu'elle va dédicacer. Elle va avoir une super dédicace à la première guinguette d'été. Yeah. Et puis moi je serai là aussi en tant qu'artisan, donc avec les créations cuir, bijoux, pierres, plumes. Ensuite, niveau des producteurs, donc on fait aussi toujours dans le local, hein, comme d'habitude. Donc on aura la miellerie de la Piotte, donc qui est un apiculteur de Saint-Étienne. On aura la ferme du Préambule, donc c'est la ferme dans le col de Sapois. Eux, ils vont proposer des légumes, donc biologiques évidemment. Sauvage et cultivé, donc c'est des copines de Cornimont, donc qui sont installées là il y a pas très longtemps et qui font des plantes médicinales, des baumes, tout ça, en bio qui font partie aussi de l'association des simples. On aura chapeaux de paille et bottes de pluie qui sont eux aussi des producteurs de plantes, tout ça. Mais bon, voilà, ils vont s'accorder les deux pour pas avoir les mêmes produits à proposer parce qu'eux, ils font aussi des petits gâteaux secs à base de plantes. Alors, je ne sais plus exactement d'où ils sont. Du Toli. Du Toli, ok. On aura Mo au café, donc notre artisan torréfacteur Rochna, qui sera là. Et puis, les délices de Tom et Wallet, donc c'est de la pâte à tartiner. Pour ceux qui étaient là à Cultivons nos passions l'année dernière, il y aura quand même pas mal de ceux qui étaient là l'an passé qui seront à nouveau parmi nous. Et puis, il y aura évidemment l'association. Oui, et Tom et Wallet, ils assurent grave parce qu'ils font de la pâte à tartiner. Et donc, ils prennent leur huile dans une huilerie de Meuse ou de Meurthe-et-Moselle. Donc, même l'huile est locale. D'accord. Voilà. Petite parenthèse sur les produits de Tom et Wallet. Ok, donc eux, ils seront là. Et puis, on a aussi en associatif, donc nous, on aura aussi un petit stand avec évidemment la tombola, hein, comme à Cultivons nos passions l'année dernière. On avait proposé une tombola, donc tous les artisans, les producteurs offraient un lot, enfin, en tout cas sur la base du volontariat, mais tout le monde a joué le jeu. Et donc, on pourra proposer une petite tombola. Alors, vous pourrez gagner un super panier garni de tous les petits articles de nos standiers. On aura sûrement un petit peu de sérigraphie, peut-être des ateliers. Ça, c'est encore en cours de création. Et puis, il y aura aussi Hugo qui sera là avec sa petite librairie itinérante avec Nunatak et puis plein de petites revues intéressantes. Donc, voilà pour tous les artisans qu'on aura sur place. Et puis après, comme d'habitude, repas à partager. Donc, c'est assiette barbecue, donc il y a salade. Peut-être, Flo, tu veux... Ouais, c'est un petit mix de salade, sauce tapas, et puis accompagné d'une viande et de frites maison. Ah, des frites de légumes, non ? Oui, il me semble que c'est des frites de légumes. C'est bon, ça, les frites de légumes. Okay. À partir de quelle heure, du coup, alors, la guinguette ? À partir de 16h. À partir de 16h... Il y aura le repas de préférence à réserver. Oui, oui, oui. Pensez à réserver parce qu'on a déjà des réservations et là, je pense que ça va aller assez vite. En général, on a quand même beaucoup de réservations avant que ça commence et là, on s'est arrêté à 100 repas. Donc voilà, faut penser à réserver si vous avez vraiment envie de manger. On peut indiquer en direct les numéros de téléphone si nos auditeurs aimeraient les avoir. Ouais, ouais. Donc c'est le mien, je crois, qui est marqué sur les affiches. Ouais, donc c'est le 06 73 54 05 25. Alors après, vous trouverez toutes les infos hein, sur le Facebook de l'asso, sur le site internet lesmondesdelutopie.fr. Ou sur les flyers, les affiches qui vont traîner un petit peu partout. Voilà. Qui ne s'appelle pas guinguette sur les flyers, ça s'appelle les soirs d'été à Rochesson. Voilà. Oui, parce qu'on a appelé ça guinguette parce que c'est sympa, mais c'est pas franchement des guinguettes. Hein, parce qu'en plus, on a reçu les directives sanitaires où c'est marqué « les guinguettes sont interdites ». Mais bon, rassurez-vous, hein, c'est des marchés nocturnes, il y a un petit concert, mais c'est pas... On va pas tous danser les uns dans les bras des autres. Le protocole sanitaire sera respecté. Oui. Pour la première guinguette, c'est Muriel d'ailleurs qui animera en poussant la chansonnette. On passe tout de suite à la deuxième guinguette, Camille. Allons-y. Alors la deuxième guinguette, elle a un fonctionnement différent. Donc là, ça sera des ateliers en journée. Avec concert repas le soir aussi, mais voilà, le gros c'est la journée. Alors on a un programme qui est presque fini d'être créé. Donc le vendredi 7 août, on aura le matin du yoga, un atelier musique corporelle. Donc ça c'est avec le collectif Baladine qui sera là. Les baladins, les baladines. Les baladins, les baladines. Donc qui seront là parmi nous. Parce que les baladins, les baladines se baladent dans les Hautes-Vosges, dans les Vosges, je sais plus exactement les dates, mais en tout cas il y a tout un programme. C'est un collectif d'artistes itinérants qui voyagent à vélo et ils vont faire plusieurs stops et ils font un stop chez nous le 7 et 8 août. Donc tu peux continuer le programme. Ouais. Donc voilà, donc là on a le matin, ensuite le midi, l'idée c'est de faire un pique-nique géant, donc chacun ramène, comme c'était marqué sur leur mail, chacun ramène sa salade et sa fraise, et puis on partage ça. L'après-midi, il y aura atelier clown, et éventuellement atelier massage. Alors, bon, ça, on va voir un peu comment on s'organise. Donc, mais je pense pas que ça va pouvoir faire massage. On trouvera autre chose. Et puis, donc le repas, toujours pareil. On va faire à peu près les mêmes formules aux trois guinguettes. Donc, pensez à réserver également. Et le soir, donc, ça sera un concert de la pêche. Flo nous en parle. Oui. Oui, je vais vous en parler après. Mais du coup, ça sera un concert exceptionnel dans les Hauts-de-Vosges. Et du coup, la pêche, ils viennent sous une nouvelle formule. On en discute après en interview avec eux. Ok. Donc ça, ce sera pour le vendredi. Et le samedi, donc, notre collectif, en tout cas du moins une partie, part à vélo au marché de Thiéfos pour faire un petit concert ou une petite représentation. Donc les motivés, ceux qui ont envie de faire du vélo et d'aller à Thiéfos avec eux, ils sont les bienvenus. Pour les autres, il y aura donc un atelier de yoga qui débutera du moins à 10h du matin, suivi d'un spectacle de contes et de clowns. Et puis, en fin d'après-midi, on aura exploration du mouvement. Alors, bon, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais on en saura bientôt plus. Et puis, à partir de 19h, le soir, ça sera mini cabaret. Et puis, scène ouverte. Donc, pour les musiciens, amenez vos instruments, amenez votre motivation, votre inspiration. Et puis, voilà, ça va se dérouler comme ça pour le samedi, avec toujours le petit repas à réserver. Et est-ce qu'on en sait un peu plus sur la formule camping qui n'était pas sûre la dernière fois ? On n'en sait pas un peu plus. On en saura. Donc pour l'instant, il faut se loger. Chacun se loge comme il peut. Oui, voilà. Après, voilà, il faut qu'on demande certaines autorisations. Et puis, on en reparlera sur le site ou sur le Facebook hein, quand on en saura plus. Voilà. Oui, à rappeler que c'est un peu compliqué là, avec les règles sanitaires Covid qui ont été mises en place. On a reçu tout un programme de la préfecture qu'on doit déclarer, faire un gros dossier de déclaration d'événements avec toutes les choses qui sont mises en place, un sens de circulation. Enfin, du coup, là, on se casse un peu la tête avec ça. On va remplir leur super dossier. Et voilà. On espère qu'on ne va pas avoir de problème pour l'organisation des guinguettes. Oui, parce que finalement, il y a pas mal de standiers. Donc, la place est assez grande, mais finalement, ça devient vite limité. Donc, surtout s'il faut mettre beaucoup d'espace entre chaque et puis entre chaque table. Mais bon, voilà, on va se dépatouiller pour que ça fonctionne. Et puis, voilà, pour prendre le moins de risques possible, évidemment. Donc, pour résumer cette deuxième guinguette sur deux jours... Premier jour, atelier, auberge espagnole le midi, atelier l'après-midi, repas le soir avec l'exceptionnel concert de la pêche, un collectif qui vient de... Besançon, non ? Un groupe collectif qui vient de San Francisco, Flo. Ouais, collectif, si tu veux. À la base, ils sont quand même quatre. Ils tournent quand même depuis 10 ans. Le groupe est né à San Francisco. Maintenant, ils sont revenus en Franche-Comté dans leur pays d'origine. Et du coup, ils montent une formule inédite cet été, pour la tournée de cet été, vu que c'est une tournée raccourcie avec le Covid. Et du coup, ça serait une formule avec un musicien en plus. Du coup, ils seront 5. Ça va être super. On découvrira la pêche tout à l'heure avec Flo. Et le samedi, donc atelier, et le soir, c'est bœuf musical. Donc tout le monde ramène ses instruments. Et mini cabaret, voilà. Ouais, donc, et avec un petit conte avant, pour les grands et les petits. C'est ça. Alors voilà, je sais pas le... Oui, après ce conte, j'imagine, ils ont pas précisé la tranche d'âge, mais bon, j'imagine c'est pour tout le monde. Comme d'habitude, pour cette deuxième guinguette, pensez à réserver vos repas pour les deux soirs, hein, Camille. Il y aura repas le vendredi et repas le samedi soir. On prévoit 100 repas pour chaque soir. Donc pensez bien à réserver. Vous verrez les numéros soit sur les flyers ou les affiches de soirée d'été, soit sur le site des Mondes de l'Utopie et sur la page Facebook. Voilà, c'est pour ça. La deuxième guinguette. Dans la foulée de la deuxième guinguette, vous pourrez nous retrouver le dimanche à la fête qui ne s'appellera pas la fête des plantes cette année au Duto. Mais en tout cas, les Monts de l'Utopie feront à manger à la fête qui remplace la fête des plantes du Duto tout le dimanche 9 août. Oui. Ah, ça fait un sacré programme, dis donc. Ça fait un gros week-end, effectivement. Bah, du coup, on peut passer au 14 août. Donc là, c'est la dernière guinguette d'été. Donc ça sera la même formule que la première. Donc à savoir marché nocturne, repas, concert. Donc pour le marché, on a, y a pas mal d'artisans qui reviennent, hein, puisque c'est quand même des artisans du coin. Je pense que c'est important aussi de les valoriser. Par contre, il y aura quelques petites différences. On aura aussi Salomé qui... Ça s'appelle Les Petites Mains, Création Les Petites Mains. Elle travaille... elle fait du macramé. Donc, elle fait des bijoux plutôt sympas avec des pierres. Voilà, découvrir le 14. On aura les Savons du Bon Sens aussi qui seront là. Alors, c'est une artisane d'Alsace qui propose des savons écologiques. Enfin, elle est vraiment dans une démarche très poussée. Donc j'ai un peu hâte de voir le travail qu'elle fait. On aura aussi une vannière, donc Madame Testu, alors Valérie il me semble, qui elle propose la vannerie un peu créative quoi. C'est pas le panier assez basique, c'est vraiment, elle fait vraiment un travail assez hallucinant, c'est à découvrir. Et on aura aussi l'atelier de Zalem. Donc Solène, elle travaille, c'est une artisane verrière et elle fait aussi des bijoux en métal. Donc voilà, c'est des bijoux assez plutôt bien travaillés. Et puis il y aura aussi Guillaume qui exposera ses sculptures bois, ferraille. Et sinon, on aura toujours des tournatures, le tourneur sur bois et probablement moi-même, à voir. Ensuite, en pro... Oui, qui c'est Guillaume qui exposera ses sculptures? Ah, d'accord. Je dis Guillaume parce que... Mais oui, c'est Paz. Un ami de l'association qui viendra exposer ses belles sculptures. Voilà. En producteur, on aura dans les nouveautés par rapport à la première guinguette, il y aura la ferme au bison. Donc eux, ils étaient déjà venus l'année dernière à Cultivant nos Passions. Donc ils proposent de la viande de bison sous plusieurs formes. Il y a du saucisson, des pâtés, des choses comme ça. Et aussi des savons à la graisse de bison qui sont vraiment assez extraordinaires. Je les conseille d'aller chercher du savon chez eux. Et puis, on aura également... on aura toujours la miellerie de la Piotte, la ferme du Préambule, Mot au Café, Sauvage et Cultivé et les délices de Tom et Wallet. Et puis, en association, c'est pareil. On aura donc Hugo avec les fanzines. Et puis, nous, avec toujours la Tombola. Et puis, la sérigraphie, probablement des ateliers à voir, à définir. Toujours le repas le soir. Toujours le repas le soir. Toujours la même formule, mais je pense qu'il y aura des changements. Réserver. Je pense qu'il y aura des variations sur la viande et les légumes selon les livraisons. Oui, c'est ça. On va faire sur les marchés ou autre. C'est ça. Bien sûr, ça ne sera pas les trois mêmes repas aux guinguettes. Mm-hmm. Oui, il y aura un peu des petites choses qui changent, évidemment. Oui. À combien est le repas? On était parti sur 10 euros le repas. L'assiette, donc, ce qui sera une assiette bien chargée. Et puis, voilà, il y a un petit peu de tout dans l'assiette. Il y aura les repas et puis il y aura aussi pour les guinguettes la glaneuse de saveurs qui sera là puisque en principe elle fait tous les vendredis soirs aussi à Rochesson. Et donc comme elle fait partie de l'association et que voilà, on avait décidé de faire les guinguettes les vendredis, donc on aura les 100 repas proposés donc par l'association et Charlotte qui sera là avec le camion pour proposer ses repas comme elle fait à l'habitude quoi. D'accord, donc le menu de la glaneuse de saveurs sera dévoilé le jour J ou la semaine. Oui, ça sera le même menu là. Que toute la même semaine. Donc il est disponible sur son Facebook sur son Facebook. Oui. Elle n'a pas de site internet, je crois. Non. Mais du coup, si jamais l'assiette vous dit moyen que vous préférez manger la glaneuse, comme elle n'aura pas 100 repas, vaut mieux réserver aussi. Et puis, donc voilà, ça nous fait quand même une petite marge de manœuvre d'une trentaine de repas en plus, je pense. Mais voilà, en tout cas, pensez à réserver. Oui, après la glaneuse de saveur, ça peut être plus pour ceux qui arrivent et qui n'ont pas eu le temps de réserver. Ils auront quand même quelque chose à manger. Oui, ça peut être ça aussi. Il y aura une petite buvette, je suppose, à ces trois guinguettes. Bien sûr. Évidemment, il y aura un petit bar. Donc, il y aura un petit bar de bière locale. Donc, toujours la Tumulte et la Golaï coopérative. Deux bières qui viennent, une de la frontière des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle et une du bon cœur des Vosges de Xertigny. Donc, voilà ce qui est en bière. Ensuite, on aura du vin. vu qu'on fait un repas, il y aura du vin rouge, du vin blanc, en bio, toujours comme d'habitude au monde d'Utopie, et accompagné de soft fait maison. Donc cette année, il y aura des limonades de fleurs, à voir qu'est-ce qu'on aura de disponible d'ici là. Et toujours sirop, jus, bio, voilà. Donc, probablement ginger beer. Tout ce qu'il faut pour les enfants et pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. C'est ça. Donc les guinguettes commenceront toutes à la même heure, à 16h. Alors à 16h pour donc les deux marchés nocturnes. Après pour donc les journées ateliers, vous pouvez réserver si vous voulez, mais visiblement il n'y a pas de... De jauge. Il n'y a pas de jauge, donc de toute manière on gardera de l'espace en extérieur pour qu'il y ait les distances. Et si jamais il venait à pleuvoir, on a quand même la salle à disposition. Donc, comme elle est assez grande, voilà, il y a quand même de la marge pour qu'on soit tous à 1 mètre les uns des autres et pouvoir faire les ateliers tranquilles. Oui, il y aura moyen de mettre du monde. Oui. Donc, pour les ateliers, ça sera la deuxième guinguette, le 7 et 8 ou le 8 et le 9 ? 7 et 8. Le 7 et 8 août. Et le 9, on est... Vous trouverez toutes les précisions des ateliers yoga, percussion corporelle, clown et j'en passe sur la page Facebook et sur le site internet des mondes de l'Utopie. C'est tout exact. Tout ça à prix libre. Tout ça en prix libre. Super. Voilà. Eh ben, on enchaîne. Eh ben, on enchaîne. J'ai fait le tour. Ouais, venez découvrir les baladins, les baladines le 7 et 8 août. Venez découvrir Muriel d'ailleurs le 24 juillet. La pêche le 7 août. Et KPG le 14 août. Donc, petit mémo pour les gens, les guinguettes, c'est toujours le vendredi soir. Ça va s'enchaîner. Les trois sont presque d'affilée. Il y aura une petite semaine de latence. Enfin, il y aura un week-end où il se passera rien. Sinon, c'est presque tous les week-ends. Donc, il y a 4 week-ends qui s'enchaînent, dont un vide. Mais sur les 4 week-ends, il y a 3 guinguettes. Donc, le 24 juillet, le 7 août et le 14 août. Eh bien, Flo a fait une super transition. On va pouvoir passer à la deuxième partie de notre émission. Des groupes, une petite découverte des groupes musicaux. Ah, Camille a quelque chose à dire. On ne voulait pas faire une petite parenthèse sur le resto éphémère si. Ah ben on peut parler du resto éphémère. On parle 5 minutes. Bah oui, maintenant que c'est dit. Minutes. Maintenant allons-y. Que c'est dit, on va y aller, on fera les groupes après. T'as envie d'en parler ? Ouais, peu importe. Alors, qu'est-ce que c'est que le resto éphémère ? Expliquez-nous. Alors, le resto éphémère, il est né de... d'une concertation de plusieurs membres de l'association qui voulaient à la base faire des fonds pour les projets futurs en allant faire de la restauration sur de gros festivals cette année 2020. Crise Covid nous est tombée dessus et du coup on a dû se replier puisque tous les festivals sur lesquels on était inscrits sont annulés. Donc on s'est rabattu sur une autre idée qui a germé en nous et qui a été de proposer un restaurant éphémère dans les Hauts-de-Vosges. Donc on a cherché des lieux qui seraient prêts à nous accueillir. Donc le Biomonde à Gérardmer a accepté de nous accueillir. Donc le mercredi matin, vous pouvez nous retrouver de 11h à 14h devant Biomonde à Gérardmer, où on propose une formule restaurant éphémère. Donc en fait, on propose... Oui. Biomonde à la Croisette. Oui, c'est ça. En fait, on va proposer donc toutes les semaines un menu différent. Et c'est des menus aux saveurs un petit peu exotiques. Disons là, par exemple, mercredi, hier d'ailleurs, c'était saveurs réunionnaises. Donc voilà, il y avait tout un menu autour des plats traditionnels. Et donc en fait on propose ces menus là en bio, après maximum local comme quand on peut, et puis tout en pas vraiment zéro déchet, mais en tout cas les box qu'on utilise qui sont à emporter sont recyclables, tout est en carton, enfin voilà, il y a quand même une démarche éthique derrière, comme souvent de toute façon à l'association. Et donc, on va proposer ça tout l'été, donc que les mercredis midi, puisque en fait, on emprunte le camion à Chacha, donc de la glaneuse de saveur. Elle fait la tournée lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc voilà, on avait ce créneau-là du mercredi. Donc le midi, on sera tous les mercredis midi à Gérardmer devant le Biomonde. Et puis, bah, On attend de voir pour le mercredi soir, mais c'est pas gagné. Il y aurait potentiellement aussi pour les vacanciers ou ceux qui nous écoutent le mercredi soir à Xon rue Longemer. Bah, c'est pas... On croise les doigts. Ouais, on croise les doigts, oui. On croise les doigts. On va tenter de faire une proposition. Enfin, oui, bon, c'est une idée qui est hyper intéressante, qui plaît à beaucoup. Quelque chose d'éphémère, un restaurant biologique, ça n'existe pas vraiment dans les Hauts-de-Vosges. Et donc, du coup, on pensait que notre idée serait acceptée facilement, sauf que ce n'est pas forcément le cas. Et que suite à la cause, à la crise Covid, bah, y a beaucoup de restos qui n'ont pas tourné pendant 3 mois. Donc, je pense qu'il y a un peu des petites querelles qui naissent pour parce qu'ils pensent que ça fait concurrence, sauf qu'en fait il n'y a pas vraiment concurrence, on propose pas les mêmes produits qu'eux, on propose seulement une trentaine de repas maximum par service, donc c'est pas énorme. Après bah oui, on comprend que qu'on soit pas accepté partout, c'est comme ça, hein, on peut pas être les bienvenus partout. On est déjà les bienvenus à Rochesson, nous on est bien à Rochesson. Si on pouvait tout faire à Rochesson, on ferait tout à Rochesson. Mais bon, on s'exporte un peu pour se faire connaître et Gérard Armé ont accepté qu'on soit là. Donc on espère fortement que on va trouver un arrangement avec la mairie de Xonrue. Bon, il y a déjà le mercredi midi à la croisette devant le Biomonde, et à savoir qu'il y a un bel article qui est sorti sur le restaurant éphémère bioéthique. Voilà, parce qu'il faut savoir que c'est principalement bio, et en plus, il n'y a pas de déchets. Enfin, tout est bio, oui. Et c'est de la saveur du monde. Donc c'est oui, aujourd'hui, on fait la une de Vosges Matin sur Gérard Armé. Là, on fait la une de Gérard Armé aujourd'hui. Donc vous pouvez retrouver l'intégralité de l'article dans Vosges Matin. Courez acheter Vosges Matin, vous allez nous voir en photo. Et du coup, on propose aussi, donc avec ce restaurant là devant le Biomonde, on sort des petites tables, les parasols, les chaises. Donc vous pouvez manger sur place aussi. On fait le service et puis sinon, si vous êtes pressé ou vous voulez manger chez vous, bah vous pouvez toujours prendre à emporter. Voilà, voilà. Autre chose à dire sur le restaurant éphémère des Monts de l'Utopie ? Eh bien, le resto éphémère, vous pouvez aussi réserver. Parce qu'on commence à avoir un petit peu de monde. On a commencé le 1er juillet. C'était notre deuxième mercredi hier. Et on commence à avoir un peu de succès. Avec l'article Vosges Matin qui vient de sortir aujourd'hui, il va commencer à falloir réserver. Est-ce que je parle vraiment français, là ? On comprend. Vous allez peut-être augmenter un peu le nombre des assiettes, alors ? À voir, à réfléchir. Vous voyez, on fait quand même dans nos capacités humaines. On reste dans quelque chose d'humain. On ne va pas non plus devenir des bêtes de restauration qui allons passer 4 jours en cuisine pour faire un super resto. C'est pas le but. Le but, c'est se faire connaître et rentrer un peu de fond pour les projets futurs qu'on espère voir naître à Rochesson. Oui, et puis bon, après, voilà, il y a déjà... De toute façon, s'il y a des restes, on congèle, on partage. Enfin, voilà, on ne jette jamais rien, donc... Mais bon, si on en fait pour 50 et puis qu'en fait on n'en vend pas beaucoup, vaut mieux être sûr et puis vendre ce qu'on est capable de faire tout en... Je parlais pas non plus de faire 200 couverts. Hein. Oui, non, 50 mais couverts, c'était très on bien. On essaye de faire quelque chose d'assez chiadé et puis sympathique à l'œil et au goût. Du coup, je pense que si plus on fait en nombre, moins c'est sympa et puis moins on passe de temps et moins on y met d'amour. Dans nos petits plats, alors du coup, c'est mieux si on ne fait pas beaucoup de repas. Et on peut manger devant ? Vous avez installé les petites tables devant ? Oui, je l'ai déjà dit. Ah, bah, je n'ai pas entendu. Du coup, le food truck des Monts de l'Utopie, tous les mercredis midi, à la croisette devant le Biomonde, cuisine à emporter et à manger sur place. Et voilà. Et avec le dessert hein, aussi au food truck. Ah, bah, bien sûr, on a entrée, plat et dessert. Il y a le plat pour les végétariens et le plat pour ceux qui aiment la viande. Voilà. Eh bien, parfait. On passe à la deuxième partie de notre émission. Allons-y. Deuxième partie de notre émission, c'est la découverte des groupes qui seront présents à nos 3 guinguettes. Donc, guinguettes du 24 juillet, du 7 et 8 août et du 14 août. Je commence par la première guinguette, celle du 24 juillet. Et celle qui viendra animer cette guinguette... ce sera Muriel d'ailleurs. Donc, ben, vu que ça fait un petit moment qu'on parle, je vous propose de découvrir Muriel en chanson tout de suite. Et après, je vous fais un petit descriptif de Mumu. C'est parti! C'est l'histoire d'un petit homme qui peignait le monde gris, lui qui voyait la lumière dans la vie, qui n'avait comme passion, mais surtout comme obsession, que de sortir les couleurs de l'oubli. Avec ses doigts et ses pinceaux, il mélangeait la poudre à l'eau, on en aurait fini par croire à la magie. Lorsqu'il mélangeait le tout sur son grand et blanc tableau pour lui donner une histoire et de la vie. Mais il est mort dans son trou, il est mort complètement fou avec sa mère et son bougnou. C'est l'histoire d'une jeune fille aussi belle que jolie, qui avait don pour la photographie. Elle qui savait capter l'instant, qui pouvait arrêter le temps pour rendre les souvenirs immortels. Alors les hommes et charlatans emmenèrent la belle au ciel, lui promettant qu'elle brillerait au-dessus des petits gens. Ceux qui n'avaient ni la beauté, ni l'élégance, ni la grâce à offrir à leurs images de prestige. Belle, tu seras célébrité, on te montrera au monde entier comme réincarnation de la divinité. Grâce à toi, couleur alors, pousseront les montagnes de billets en transformant les petites filles en poupées. Mais le temps passait et les années eurent raison de sa beauté. Celle que l'on appelait la belle était maintenant devenue vieille. Sa jeunesse tomba dans l'oubli, il n'y avait qu'en photographie qu'elle demeurait immortelle. Oh, elle est morte vendredi, morte seule dans son lit avec son chat et sa folie. C'est l'histoire d'un jeune homme qui se prétendait un génie, lui qui trouvait les mots pour faire craquer les filles. Avec sa voix et sa guitare, il chantonnait tous les soirs sans même fermer l'œil de la nuit. Il n'avait pas beaucoup d'aisance, mais de la classe, de la prestance, malgré ce monde de mélancolie. Il faisait danser son histoire comme une grande poésie sur une pauvre petite grille d'harmonie. Il restera dans les mémoires de deux, trois jolies poupées, de deux, trois cœurs écorchés qui auront su l'écouter, l'oreille aiguisée par les bouteilles de détergent qui nous servent à nettoyer les sentiments. Mais il est mort une belle nuit à l'âge de 25 ans et demi, mort noyé dans sa bouteille de whisky. À tous les artistes incompris, les âmes seules étourdies qui crèveront noyées dans leur propre folie, je dédie cette chanson au milieu des petits moutons qui finissent bien par crever dans l'ennui. Comme vous venez de le remarquer, Muriel d'ailleurs, c'est une irrésistible voix jazzy servie sur une pompe manouche détonnante, avec des textes drôles et tranchants, profondément humains et touchants. Muriel est belge à 24 ans et vient tout fraîchement de s'installer dans les Hautes-Vosges, à Rochesson, avec toute l'équipe des Monts de l'Utopie, et on en est super content. Je vais vous faire une petite bio de Muriel. On devait la voir en interview, mais vu qu'elle est très prise, eh ben je crois qu'elle nous a zappé. Mais c'est pas grave, on lui en veut pas. Donc Muriel a grandi en Belgique dans une famille de musiciens et est élevée au son des musiques irlandaises. Irlandaise, klezmer, jazz manouche, zigane et française. Elle découvre la scène à ses 12 ans avec ses parents, puis au sein de son premier groupe, Cosmos Festival, en tant que percussionniste. Petit à petit, la jeune musicienne confirme son attrait pour la musique des années 30. Elle passe par le jazz studio d'Anvers et crée son propre swing band qui ambiance les jazz clubs et les festivals belges. En 2019, son talent lui permet de participer à The Voice Belgique et elle collabore entre autres avec Superska en composant et en interprétant plusieurs titres dont La pluie et À quoi on joue. Muriel, donc à 24 ans, a déjà plus de 300 concerts à son actif dans une belle partie de l'Europe et au Burkina Faso. Et elle collabore avec toute une constellation de talentueux musiciens. Donc elle se produit du solo au big band. Pour la guinguette du 24 juillet, Muriel sera en solo, donc voix-guitare. Et les projets auxquels elle participe sont toujours empreints d'un vent aux notes de jazz manouche, de swing, de klezmer et de jazz tzigane. Donc là, je vais vous faire découvrir son duo avec Greg Houben. Greg Houben qui est un musicien et un comédien belge et qui est le fils du célèbre jazz Steve Houben, flûtiste et saxophoniste. Donc Muriel a composé et interprété avec Greg Houben le titre que je vais vous faire écouter. Et c'est issu de leur collaboration avec Superska dans leur nouvel album Supernova. C'est parti, à quoi on joue Greg Houben, Muriel Dyer, c'est tout de suite pour Radio Gemozo. Que faites-vous ici? D'où venez-vous? Que buvez-vous? Vous semblez si seul. Oh non, mais qu'est-ce qu'il a ce type à me parler? Encore un lourdeau qui m'a pris pour une paumée. La ville tout entière n'a jamais vu si jolie fille. Votre sourire, lui seul, donne du sens à la vie. Et voilà qu'il fait dans les poèmes, les phrases bidons. Le baratin, c'est toujours pareil. Sommes-nous deux dans ma tête? Je répète, tu changeras. Tu me diras oui. Qu'est-ce que tu crois? Je ne suis pas né de la dernière pluie. Bonsoir monsieur, ne vous fatiguez pas. Regardez-moi dans les yeux, les vôtres vous trahissent. J'aime quand tu te retournes et que tu me dis non. Je te regarde et je sais déjà que ça sera long. Des hommes comme vous, j'en ai vu beaucoup. Vous trichez même dans votre voix, je connais ça. Plus tu me résistes et plus tu es farouche, plus j'imagine ce que tu ferais de ta bouche si jamais. D'ailleurs, détrompez-vous, je ne suis pas seule. J'ai rendez-vous, je suis attendue ce soir. Et si tu venais plutôt avec moi, je te ferais balancer, miauler comme un petit chat. Sommes-nous deux dans ma tête? Veux-tu que je répète? Tu changeras. Tu me diras oui. Qu'est-ce que tu crois? Je ne suis pas né de la dernière pluie. C'était Muriel Dyer en duo avec Greg Houben. Et maintenant, je vais vous faire écouter une petite reprise de Muriel, donc en trio cette fois-ci, avec Léo Ullmann au violon et Vilmos Žižko à la contrebasse. Ces deux musiciens collaborent régulièrement avec Roby Lakatos, un célèbre violoniste hongrois. Donc ils reprennent La Foule d'Edith Piaf. C'est vrai que Muriel peut se permettre avec son talent de reprendre de l'Edith Piaf ou de reprendre du Ella Fitzgerald, qui n'est non plus pas permis à tout le monde de reprendre ces chanteuses légendaires. Donc, pour que vous appréciez encore mieux le talent de Muriel, je vous fais écouter le cover de La Foule par Muriel Dailleur en trio. C'est parti. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris des rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, ils se reculent et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, emportés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Nos deux mains restent soudées et parfois soulevées, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. La joie éclaboussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre. Je lutte et je me débat, mais le son de sa voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur, de rage, et je pleure, emportée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Je suis emportée au loin et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais. C'était le magnifique cover de La Foule, de Muriel Dailleur en trio. Il me faut toujours quelques instants pour m'en remettre, moi, tellement que c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Camille, t'as un petit mot à ajouter sur Muriel ? Ouais, bah pourquoi pas. En tout cas, voilà, moi, je vous invite. Donc, Muriel qui habite à Rochesson maintenant. Et donc, je vous invite à venir la voir le 24 juillet parce qu'elle va, j'imagine, faire ses nouvelles compositions sur lesquelles elle a beaucoup travaillé là, pendant le confinement. Et c'est vraiment des chansons, elles sont belles, elles sont drôles, elles viennent du cœur. Je vous invite vraiment à venir voir, on va rigoler. C'est vraiment un spectacle, quoi, hein, c'est à voir. Oui, donc Muriel, le 24 juillet, ça sera en solo, guitare-voix. Donc, ouais, comme dit Camille, avec ses propres compos. Je pense aussi une ou deux reprises, parce que tu vois la justesse dont elle reprend Édith Piaf, ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est vraiment un plaisir d'entendre, d'entendre des magnifiques covers comme celui-ci. Et puis, bah voilà. Et comme a dit Camille aussi, ce sont des textes profondément humains, touchants, parfois tranchants. Oui, enfin, c'est beau, quoi. Bah, c'est, oui, voilà, les nouvelles compositions qu'elle a fait pendant le Covid, oui, c'est vraiment, c'est, moi, je les trouve vraiment très drôles et elles me plaisent énormément et je vous invite vraiment à venir en profiter avec nous. Ouais, mais là, j'ai fait exprès de ne pas en passer aujourd'hui parce que ce sera la surprise. Et je pense que vous êtes déjà assez gâtés avec tout ce que je vous mets sur Muriel. C'est un beau panel et assez éclectique de tout ce qu'elle sait faire parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Muriel, elle collabore avec toute une constellation de talentueux musiciens et donc elle offre des prestations qui vont du solo guitare-voix au big band, donc en passant par le duo, trio, quartet, quintet et big band. Elle joue aussi dans un big band de l'Indie Up. C'est un orchestre qui fait danser les gens dans des très grands festivals de danse. D'accord. Très grand et très connu festival de danse. Et Muriel participe aussi, a déjà participé à tous les festivals de jazz belge. Donc comme le Django Festival, le Liberchi Festival Jazz, je ne sais pas trop s'il s'appelle comme ça, mais pour ceux qui connaissent, vous m'avez compris. Muriel, c'est une pointure du jazz hein, quand même, et qui commence à se faire connaître. Du coup, pour le dernier morceau que je vais vous faire découvrir de Muriel, donc là, c'est avec son quintet qu'elle avait créé il y a quelques années. Ça se nomme le Swing Band, parce que c'est du swing, hein, comme vous vous en doutez. Et c'est parti. On découvre, allons-y. Camille ? Allons-y. Allez. Cause my hair is curly, just because my teeth are pearly. Just because I always wear a smile, like to dress up in the latest style. Cause I'm glad I'm leaving, take my troubles all with a smile. Just because my color is shiny, that's the difference, baby. That's why they call me. C'était Muriel d'ailleurs, avec son swing band. Eh bien, j'ai terminé sur Muriel. Donc, comme vous avez pu le constater, Muriel, elle a plein de techniques en poche. Elle va du solo au big band, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est du swing, du jazz manouche avec des influences klezmer. Donc voilà, Muriel, c'est génial. On ne s'ennuie pas. Et c'est le 24 juillet, à partir de 18h, son concert, c'est ça ? 20h, le concert de Muriel ? 20h, le concert. Le 24 juillet, Muriel en solo guitare-voix à 20h au Monde d'Utopie. Oui, 20h, puisqu'on va laisser le temps aux gens de manger, et ensuite on dansera tous ensemble, avec des distances de sécurité. Tous ensemble, mais à 1 mètre les uns des autres. Oui, ça va le faire. Oui, ça va le faire. Et ça fait tellement plaisir de se retrouver dans un moment de convivialité Oui, bien sûr. On sera tous carrés là-dessus. On passe sur le deuxième groupe. Donc oui, le groupe. Alors on va parler de la deuxième guinguette qui a lieu le 7 août. Donc le 7 août, on accueillera la pêche. D'ailleurs, je voulais refaire une petite parenthèse. Les trois groupes qui viennent, c'est des groupes locaux. Muriel d'ailleurs, elle vient de Rochesson. La pêche, ils viennent de Franche-Comté. Et KPG, ils viennent d'Épinal. Donc je ferai un petit mot tout à l'heure sur KPG pour la troisième guinguette. Là, pour le moment, je vais vous parler de la pêche. Donc la pêche, c'est un joyeux collectif de musiciens à l'étude et à la célébration des musiques populaires d'Europe de l'Est, créé à San Francisco puis exporté en Europe dès 2017 sous la direction du saxophoniste Paul Bertin, que l'on va avoir en interview dans quelques minutes. Le groupe rassemble des musiciens de haut vol pour créer un son unique imprégné des traditions folkloriques, voyageuses comme le sont ses mélodies. La pêche a notamment joué dans plein de gros festivals à travers le monde, au Tulum Jazz Festival au Mexique, à Vidor Festival en Hongrie, collaboré avec Balcumbia à Barcelone et Inspector Gadget à San Francisco. Donc c'est vraiment... un band de musique balkanique incroyable avec un saxophone et une clarinette qui se répondent. Et pour le C'est Tout à Rochesson, ils viennent en formule exclusive pour la tournée de cet été. Ils ont adapté quelque chose suite au Covid et ils font une tournée à 5 et non pas à 4. Donc ça sera une formule à découvrir à Rochesson. On va tout de suite écouter un petit son de la pêche pour se mettre en jambe de l'interview qui arrive, et on se retrouve juste après avec Paul en direct. On en a de la chance au monde d'Utopie à Rochesson. C'est parti pour Journey Through the Impossible, qui est de leur tout premier album qui est sorti en 2014. C'est parti. We'll be right back. Nous sommes toujours en direct de l'émission Les Oreilles du Monde sur Radio Guémozo. Il est 10h57 et nous retrouvons Flo avec une interview en direct du groupe La Pêche avec Paul. Salut, salut. Salut. Ah bah t'es là, t'es avec nous. C'est parfait. Exactement. Salut à toi. Salut Flo. Tout va bien? Ah bah ouais, nickel, on est ici, hein, une belle matinée à Besançon. Sous le soleil, comme nous dans les Vosges. Ouais, exactement. Bon bah c'est top. Donc on vient d'écouter un premier morceau de votre premier album. Exactement, ouais, vous êtes courageux, ça c'est des dossiers plus ou moins secrets en fait. C'est un projet, si je ne me trompe pas, c'est en 2014. Ouais, c'est ça. Ok. Ça te rajeunit pas, ça. Ah, ça rajeunit pas, mais en fait, il s'agit de La Pêche. C'était, à l'époque, La Pêche était un projet qu'on avait monté à San Francisco, en Californie. Et ça, c'était la bande-son d'un film de Georges Méliès qu'on avait composé, en fait. On a composé 22 minutes de bande-son. Et la bande-son en live, en fait. Donc, on faisait une diffusion du film. Une projection du film avec diffusion de la bande. Enfin, et on jouait la bande-son, quoi. Bah, c'est génial. C'est une super expérience, ah ouais. Dis donc. Ouais, ça, c'était génial. Ouais. Ça sonne très américain, on sent un peu. Très américain? Ouais, je trouve un peu. Non. Ouais, bah oui, non, c'est d'une manière aussi, on était vachement dans la musique klezmer, la musique des Balkans, mais à la sauce américaine, je dois le confesser. C'est vrai que maintenant que tu as dit que c'était tiré d'un film américain, et moi aussi ça me sonne. Ça sonne pas mal. Non. Ça donc. Non, ouais, vas-y, pardon. Tu voulais dire. J'allais dire, ouais, le film c'est Georges Méliès, hein, un de nos anciens compatriotes français. Ah, ok. Il avait fait ce film en 1904. Peut-être vous connaissez, il avait fait un film de la Terre à la Lune, je crois que ça s'appelle. Ou Voyage sur la Lune, un truc comme ça. Et celui-là, c'était. Le voyage impossible, enfin en gros ils vont sur le soleil, quoi, c'est la même histoire, mais là ils vont sur le soleil. D'accord. Les tout débuts du cinéma. Ça roule. Donc on va enchaîner, moi j'ai quelques petites questions à te demander pour connaître un peu La Pêche, qu'est-ce que c'est, comment, d'où et tout ça. Donc déjà, pourquoi La Pêche? Pourquoi La Pêche? Ah, ça c'est la question piège, j'aurais dû préparer un petit topo sur cela. Eh ben, comme j'ai dit, en fait, on a lancé La Pêche. Moi, j'habitais aux États-Unis. J'habitais de 2007 à 2016 là-bas. Et il y avait une grande attention qui était portée sur la musique des Balkans à San Francisco. J'ai jamais trop su pourquoi, mais. Et voilà, on jouait beaucoup ça avec mes potes. On jouait dans une fanfare de musique serbe qui s'appelait Inspecteur Gadget. Et à un moment, il est venu. En fait, on a eu une commande de la part du festival. Du film juif, Jewish Music Festival à San Francisco, de faire une représentation musicale. Et voilà, du coup, on avait besoin d'un groupe, et puis on s'est retrouvé un peu entre potes à cinq, c'est mon ami Ophir, qui est d'ailleurs palestinien, qui ne parle pas français, et il était obsédé par La Pêche ce jour-là, c'est un mec un peu mystique. Mais c'est plutôt original, voilà, comme histoire, c'est pas mal. Voilà, on n'a jamais trop compris pourquoi, mais il était « Ah, the peach, La Pêche » et tout. Ok. Et du coup, voilà, le fruit est resté, et puis moi qui connais un peu les divers sens que ça a en français, je trouvais que ça collait bien, c'était rigolo. On a gardé ça. Mais ça, c'était la première version du groupe qui était aux États-Unis. On a joué de 2012 à peu près à 2015. Et quand je suis revenu en France, j'ai relancé le projet avec mon pote François. On a repris le nom, on a repris un peu le répertoire et l'univers du groupe. Et ça, c'était en 2017. Ah oui, ben voilà, moi, c'est ça. C'était une de mes questions. Alors, qu'est-ce qui a changé après toutes ces années? Allô? Tu n'es plus là? Paul, allô. Allô, Paul. Ah. Bon, il y a. On a eu une petite coupure. Allô. Ah, ça y est, tu es revenu. Ouais, allô. Non, c'était Perdu sur les ondes, je suis là. Ok, parfait. Du coup, moi, ma question d'après, c'était qu'est-ce qui a changé après toutes ces années, la nouvelle formule, qu'est-ce que, enfin, de combien de musiciens vous étiez à la base, qui est-ce qui est resté, qu'est-ce qui est parti, est-ce qu'il n'y a que toi qui, de la version de San Francisco à aujourd'hui, comment la pêche s'est reformée, avec quel musicien, d'où Ouais. Eh ben, la toute première version, on était cinq. C'était clarinette, saxophone, accordéon, contrebasse et percussion. Il y avait un palestinien, du coup. On était deux français et il y avait deux américains. L'idée de base du groupe, c'était vraiment interpréter de la musique des Balkans et de la musique klezmer et de composer beaucoup, en fait, un peu notre tambouille, quoi, inspiré par ça et puis par d'autres trucs. C'était assez libre comme groupe. Et pour moi, c'était assez rigolo parce que je très vite je me suis mis à driver le groupe et puis à composer beaucoup pour ce groupe. Voilà. Mais quand on est parti en voyage dans les Balkans en 2015 avec ce groupe, et là ensuite moi j'ai commencé à vraiment me porter sur la musique beaucoup plus trad, du coup être plus rigoureux dans l'étude de la musique trad. Et voilà, malheureusement, ça n'a pas duré longtemps l'époque trad, puisque je suis parti en 2016. Et c'est seulement moi qui ai fait la jonction entre les deux groupes. Tous les copains sont restés à San Francisco. Et je pensais que le groupe allait mourir jusqu'à ce que je tombe sur François, ici, un ami que j'avais rencontré en tournée en Italie. Et maintenant, il habite en France. On s'est retrouvés, on a bien matché. Musicalement et l'idée est venue de faire renaître la pêche de ses cendres. Donc on a tourné en France et au Mexique avec François. On était guitare saxo, on avait une contrebassiste et un violoniste. On a tourné au Mexique un petit peu avec eux. On a enregistré notre deuxième album, je pense qu'on peut dire ça comme ça. C'était plutôt censé être une démo, mais en fait on a fini par l'imprimer. Et voilà. Et aujourd'hui, on est François et moi, guitare saxo, Loïc, qui est un ami d'enfance de Besançon, qui est à la clarinette, qui est un excellent clarinettiste, Teddy de Troyes, qui est à la contrebasse, et pour le concert à Rochesson, on sera avec notre tout nouveau, tout chaud batteur. Wow. Donc on se retrouve une formule à 5, en fait, qui est le plus près possible de l'idée de base qui était la pêche en 2012, donc il y a déjà 8 ans, qui est une formule à 5 avec batterie et des morceaux plus orientés composition, moins purement traditionnels. D'accord Paul, mais s'il y a une batterie, ça veut dire que ce sera un peu plus influencé au niveau du jazz manouche, non? Comment vos influences, elles seront comment du coup avec la batterie? Ça va être un petit peu modifié? Ouais, bon, les influences, on a énormément. On était plus jazz manouche il y a une paire d'années, 2017-2018. Ouais. Ce que vous pouvez entendre sur l'album, celui où il y a un joli toucan sur la qu'on prochaine. Va écouter juste après. Ouais, celui-là, on était plus orienté jazz manouche et on s'est enregistré avec une guitare électrique, mais on jouait beaucoup avec guitare manouche. Ah, génial. Et même, on avait pas mal de swing, en fait, dans notre répertoire. Là, il y a quasiment plus de swing. La guitare est devenue vraiment électrique. Elle s'oriente plus sur la guitare de musique des Balkans, des fois même un peu surf rock, tu vois. Et voilà, avec la batterie, on va pas non plus trop dévier de nos influences du moment. Mais bon, en tout cas, pendant le confinement, on a bossé énormément de nouvelles compositions, tout un nouveau répertoire. Et du coup, c'est ça qu'on va vous présenter. Super. Mais il y aura toujours ce peps du deuxième album. Le quoi? Il y aura toujours le peps du deuxième album. Ah mais il y en aura beaucoup plus. Ah, parce que nous on aime bien quand ça peps. Ça peps. Du coup, on passe peut-être un petit morceau musical pour faire une petite transition, une petite coupure, ou alors pour écouter, parce que Paul nous a dit qu'on allait écouter un morceau, ouais. Et moi ça m'a donné envie de l'écouter. Ok, d'accord. Est-ce que tu veux nous faire écouter un morceau en particulier du deuxième album ou pas? Alors attends que je regarde un petit peu, que je me le mette sous le nez. Où sommes-nous? Oh, je pense que tu peux aller sur... il y a le premier morceau, alors celui, si vous aimez le peps, celui-là, c'est le Maxi Colo. Ça, c'est notre... un peu notre morceau de dance du set d'il y a 2 ans. Tu peux répéter, Paul, s'il te plaît, le morceau que tu veux? Il s'appelle Maxi Colo. Bah, c'est le premier morceau de l'album, en fait. Maxi Colo. Ah, super, ouais. On l'a. Mais bien sûr que vous l'avez, c'est le number one. Donc ça, on a une... c'était en fait une espèce de pot-pourri de morceaux d'inspiration serbe. C'est un rythme serbe. Et à la base, c'est une composition d'un Français dans le style serbe. C'est un guitariste qui s'appelle Sébastien Gignot, c'est un guitariste manouche. Et ensuite, on a ajouté plein de morceaux qui viennent de Serbie et de Roumanie. Exactement, voilà. Super, donc serbe et roumain, enfin des influences serbes et roumaines. Exactement. Pour ce morceau de votre deuxième album. C'est parti. Et voilà. Paul, tu restes en ligne? Je suis là. Allez, c'est parti pour Maxi Colo. Thank you. Michel, t'es toujours là? Je suis toujours là. Ah, parfait. Présent. Donc, bah, c'est bien, ça nous a mis en jambe de nouveau ce matin. Là, ça nous réveille un peu plus, toujours un peu plus, dans cette émission Les Oreilles du Monde en direct de Radio Gemozo. Donc, on est toujours en direct avec Paul du groupe La Pêche qui passe le 7 août à la deuxième guinguette de l'été. Donc, on a commencé l'interview et on en est un peu... je sais plus où j'en suis. Donc, c'est une nouvelle formule pour cet été. Pourquoi d'ailleurs cette nouvelle formule à 5? Ben, ça, on a tourné à 4, en fait, sans batterie. C'était un petit peu... Il y avait une décision artistique, mais aussi une décision pratique. Hein. On était pilés les 4 dans une voiture... On a besoin d'une formule mobile, tu vois, une formule qui demande pas trop de logistique. Et du coup, c'était même pas une contrebasse avec laquelle on tournait avec l'album, avec le groupe que tu viens d'entendre. C'était une basse acoustique fretless et voilà, basse acoustique, violon, guitare, saxo. Autant dire que on mettait tout ça dans le coffre de la Volvo. Et avec ça, on était assez mobile. Et quand on tournait au Mexique, c'est pareil, quoi. C'était assez fatoche. Mais voilà, ça fait 3 ans qu'on... Enfin, oui, 3 étés qu'on tourne avec cette formule. Et on était vraiment intéressés par remettre un petit peu le son de batterie qui était ce que moi j'avais fait à la base en fait avec le groupe aux États-Unis. Et on a eu l'occasion quand même au Mexique de rejouer avec batterie et on s'est fait des sensations assez plaisantes. Et voilà. Et on s'est dit que ça correspondait quand même à une direction qu'on avait envie de prendre qui pourrait expandre un petit peu le son et aussi enfin avoir plus d'énergie et une plus grande palette musicale, plus grande palette de sonore. D'accord. Et du coup, vous avez déjà fait un concert avec cette formule là? On n'a pas encore fait un concert. On dans une paire de semaines, on va faire une résidence. On a bossé pour l'instant à distance avec le batteur. Et maintenant, on va faire une résidence pour faire coaguler tout ça et avoir vraiment une formule qui dépote. C'est quand même assez marrant, au monde de l'utopie, on a toujours des nouvelles formules qui se créent avant le concert. C'est toujours un peu l'expérience du moment quand ils viennent jouer chez nous. Donc c'est cool, moi ça me fait plaisir qu'il y ait un nouveau truc qui se crée. C'est chouette. Bah, en plus, vous appelez les mondes l'utopie, je veux dire. Vous n'êtes pas les mondes la formule vue et revue, quoi. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pour ça inspire les gens. Ils se disent, il faut trouver quelque chose de plus original, je ne sais pas. En tout cas, vous venez au monde l'utopie. Je vais faire une petite dédicace à Suprême qui vous a découvert à rencontrer Racine il y a quelques années. Alors ! Et du coup, c'était l'année dernière. Qui est une membre de l'association et qui, quand elle est revenue de rencontrer Racine, elle m'a dit j'ai découvert un groupe incroyable. Du coup, ça s'appelle La Pêche, et du coup, on a passé 2 jours à vous retrouver, parce que c'est un peu impossible de vous retrouver sur Google ou quoi que ce soit en tant que La Pêche, parce que quand on tape La Pêche, il y a plein de vidéos de pêche qui arrivent, mais il n'y a jamais une vidéo de groupe. Donc on a cherché, et on est tombé sur vous, et je suis bien content de vous avoir découvert l'année dernière et de vous avoir programmé cette année. Waouh, et vous avez bien du courage, hein. Pour nous avoir retrouvés. Mais ouais, carrément. Pour notre défense, on avait une grande bannière avec le nom du site, mais je crois qu'on l'a cachée un petit peu. Elle était en fond de scène. Ok. À rencontrer Racine. Il faut dire que ça a joué en notre faveur ce concert, puisqu'on jouait en même temps d'un... En fait, nous, on était sur une toute petite scène, mais ce qui se passait en ce moment, pendant qu'on jouait sur la grande scène, il y avait un truc qu'on voyait pas franchement du bois. Donc tout le monde est venu voir ce qui se passait sur la petite scène, c'était nous, du coup c'était la folie, quoi. Ouais, c'est plutôt que la musique que vous faites, elle attire plein de monde. Moi aussi. Allez, merci. Bien. Est-ce que vous êtes déjà venu jouer dans les Vosges? Je ne suis jamais venu jouer dans les Vosges. Est-ce que Peut-être tu connais que les Vosges? Je ne connais même pas les Vosges, en fait. Ah, t'habites à 2 heures des Vosges et tu ne connais pas les Vosges. Ah, mais tu sais, pour nous autres franc-comtois, c'est une terre un peu mystérieuse, c'est déjà... D'accord, donc Rochesson, ça te parle pas du tout? Ça me parle parce que j'ai quand même regardé un petit peu, je me suis renseigné, j'ai fait mes devoirs. Et j'ai aussi un ami, je rigole parce que j'ai un ami de Franche-Comté qui habite à Saint-Dié et qui s'y plaît énormément. D'accord. Excellent. C'est chez vous, ça ? Ouais, ouais. Oui, c'est pas très loin. Oui, ok, là. Bon. Et d'ailleurs, il y a un groupe qui est venu jouer avec qui on a parlé de vous. C'est au mois de février. Et tu connais les gars de Liwal, non ? Liwan ? Liwal, anciennement Deyosan. Ah, mais oui, c'est, de c'est Grenoble. Pas des Troyens ? Non, ils sont de non, ils sont tous de Grenoble. Mais oui, il y a oui, Manu fait. Qui joue de la clarinette qui vous connaît ? Oui, oui, effectivement. Moi, je les connais pas personnellement, c'est notre guitariste. Ah oui, voilà, qui, ok. Qui vivait à Grenoble et qui les connaît. D'accord. Eh ben, excellent, excellent. Excellent. Bah, alors, il y a du beau monde qui passe dans les Vosges, j'ai l'impression. Ouais, on essaye de faire venir du beau monde. Ok, excellent. C'est le but de l'asso, de faire découvrir des sons qui viennent d'ailleurs et qui sont jamais venus jouer dans les Vosges, en tout cas. Ok, ok. Ah, mais nous, on boude d'impatience. Et surtout, surtout cette année où on a quand même eu vachement de désistements, on a eu beaucoup de concerts qui ont été annulés, donc on salue et on apprécie énormément que vous soyez motivés et que vous continuez d'organiser. Paul, ce sera votre premier concert post-déconfinement ? Eh bien non, on a joué en Suisse le 7 juillet, le 2 juillet, c'était jeudi, il y a pile une semaine. Aussi, on a fait un petit concert, mais dans un cadre semi-privé ici à Besançon pour la fête de la musique. Okay. C'était encore assez flou de savoir si on pouvait jouer publiquement ou pas. Ouais, et voilà. Donc ça reprend on sera, aussi. Ça reprend doucement, les concerts reprennent, doucement, les dates retombent. Ça reprend très doucement, ouais. On va quand même jouer là. Je vais te dire, le 19 juillet, on sera autour de Paris dans un camion ambulant. Et malheureusement, j'ai pas encore d'informations. Et on sera dans le cadre des notes d'été à Montbard. On sera le 20 juillet à Montbard. Oui, donc vous avez quelques petites dates en juillet, quoi. Et ouais. Et le 25 juillet, on sera au festival des Rives Jazzy. Ça, c'est à Nyon, en Suisse. Ok. À Nyon, en Suisse. Auquel, s'il te plaît, de festival, tu peux répéter ? Ça s'appelle les Rives Jazzy, okay. Parce que c'est sur les rives du Léman. Et ouais. Et d'ailleurs, bah ouais, s'il y a des auditeurs qui seront dans le coin, c'est un joli festival. Il y a pas de Montreux Jazz qui passe cette année, évidemment. Donc eux, c'est un petit festival à taille familiale, c'est gratuit. Et ils ont du jazz et du blues, je crois, c'est pendant 2 ou 3 semaines sur les bords du Léman. Ouais, ouais. À Nyon, ok. C'est noté. Oui, en même temps, en Suisse, ça reprend plus vite qu'en France. Ouais, c'est pas le même. On dirait, hein, ouais. Oui, oui, c'est. Moi, j'ai plein de sources d'infos que ça reprend plus vite en Suisse qu'en France. Et oui, ce Covid, tout ça, ça vous fait, ça risque pas votre intermittence ? Alors, si, évidemment. On est dans le flou, tu sais, mais. On fait tout comme si les dates. Comme si voilà, ça c'est rien. Ben, on ferme les yeux, on verra après le tunnel. Ben, disons, on pourrait aussi jouer la prudence ou essayer d'avoir des informations pour l'instant, mais on n'en a pas. Donc de notre côté, à un moment avec le groupe, on a pris le parti de faire tout comme si tout allait bien se passer, et du coup on s'est remis à essayer de trouver des dates, les dates tombent, et voilà, on va tout droit et on verra ce qui se passe. Parce qu'on a quand même on a 16 dates de notre tournée qui ont été annulées. Et ça, c'était un peu dur. Donc, on était censé reprendre en avril. On était censé enregistrer un album en mai. Et voilà. Donc, toutes les dates d'avril, de mai et de juin ont été annulées. Ce qui, pour nous, c'était un coup assez dur. Et voilà. Mais on va de l'avant. Ouais, Roselyne est arrivée. Tout va changer. Ah mon Dieu. Exactement. Okay. On est confiants. Aïe, ouais, aïe, aïe. En ce qui concerne l'intermittence, moi je suis encore surpris parce que je viens vraiment aussi du système américain où il n'y a évidemment pas d'intermittence. De toute façon, il n'y a même pas de ministère de la culture, il n'y a pas toutes les initiatives culturelles, elles sont sponsorisées par des mécénats en fait là-bas. Donc c'est carrément autre chose. Et sinon c'est des privés. Oui, c'est comme en Suisse. Voilà, c'est des privés qui vont qui nous engageaient pour, tu vois, on jouait beaucoup de mariages du coup, puis vu qu'on jouait de la musique des Balkans. Et ce genre de truc, mais voilà, pour moi le concept de l'intermittence, que voilà, il y a une initiative gouvernementale sociale pour donner un soutien aux artistes, je suis encore je m'y fais encore. C'est, pour toi c'est cadeau, quoi, l'intermittence en France. Exactement. Ouais, oui, c'est vrai que en Belgique c'est pareil, c'est très très difficile de devenir intermittent. C'est vrai que la France, bon. Ouais. Bah, c'est pas évident non plus. Non, c'est pas évident non plus. C'est pas évident non plus. C'est reconnu. Et c'est de plus en plus serré, c'est de plus en plus contrôlé. Enfin, moi, je vois, je travaille avec beaucoup d'artistes et c'est pas hyper facile de conserver son intermittence. Et surtout que là, l'année dernière, ils ont vachement resserré le truc sur les déclarations, tout ça. Oui, enfin, oui. C'est pas simple. En tout cas, on va écourter notre interview, oui, puisqu'il est déjà 11h23 et qu'on arrête à 11h30. Mais je suis bien content qu'on ait échangé maintenant en direct et qu'on se retrouve dans peu de temps pour en discuter et puis discuter autour d'un verre à Rochesson sur un petit salon d'été. Et d'entendre vos morceaux. Carrément. Alors, ce sera, comme j'ai dit, un répertoire tout nouveau le 7 août à Rochesson. Et on se réjouit d'avance, quoi, de vous rencontrer, de rencontrer les Vosges, et de s'éclater. Ouais, trop bien. Ce sera avec plaisir. Partagez. Bon, Paul, nous, on se rappelle tout à l'heure, mais en tout cas, merci du temps que tu nous as partagé en direct ce matin, et de d'être là avec nous. Merci à toi. Au plaisir de te voir. Ce fut un plaisir. Ça roule. On bientôt. Va enchaîner sur un autre morceau de vous. Voilà. Ah. C'est exactement ce que je proposais. On passe le morceau Cari Bensko Oro. C'est ça. Mais excellent. Allez, c'est parti. Cari Bensko Oro, La Pêche. À bientôt, Paul. Salut Paul. Salut. Bisous. Thank you. Nous revoilà en direct. Des oreilles du monde. Donc c'était le groupe La Pêche, une petite interview avec Paul du groupe La Pêche. Et puis là on vient de passer un morceau de leur dernier album. Donc retrouvez La Pêche le 7 août à Rochesson à 20h en concert à la guinguette numéro 2. Et maintenant je vous parle tout vite avant de se quitter de la troisième guinguette. La troisième guinguette, on a un duo qui nous vient d'Épinal qui s'appelle Capedje. C'est deux guitares, deux voix, et ça envoie du lourd. Et c'est un groupe qui est en train de monter petit à petit. Et franchement, c'est des très bons musiciens. Donc on écoute tout de suite un extrait de Capedje, tout en se quittant. Merci à vous d'être là en direct sur, avec nous, tout à nous suivre, à nous écouter. En tout cas, à bientôt Camille, à bientôt Nanou. Des salut bisous. Tout le monde, on finit sur la musique là. On se retrouve à la fin de l'été, plutôt en septembre. Oui, début pour septembre, je pense. Voilà, on prend quelques temps de vacances et donc on se quitte pour 2 mois sous la musique de Capedje. On vous souhaite de belles vacances et plein de bons au moments. Au plaisir de vous voir aux guinguettes. Au plaisir de vous voir au resto éphémère ou à une des guinguettes cet été. Capedje, Sista, le duo d'Épinal. Mon temps, voilà, on va dire ça comme ça. Des bisous. My sister, I know. Anything I need, so I. My sister, I know. Anything I need.